professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles énigmes pose la notion de talent qui a envahi la société depuis 20 ans? Quelle situation de perplexité peut créer la sémantique des talents, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Pourquoi personne ne sait au juste définir cette notion qui apparaît dès l'Antiquité avec la parabole des talents dans l'évangile de saint Matthieu? Et qu'est-ce que le talent management et comment s'inscrit-il au cœur d'un changement d'échelle et d'emprise aujourd'hui? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, nous entraîne sur plusieurs semaines dans une grande et passionnante enquête dans le cadre de la série de cours qu'il a initiée en 2017 au Collège de France sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités », série qu'il poursuivra en 2018. Nous sommes entrés dans une économie de la connaissance, rappelle le sociologue dans le cours d'introduction qui s'ouvre aujourd'hui, où le capital humain est plus précieux que le capital matériel. C'est dans cette mutation que se déploie le succès de la notion du talent. Pour présenter les enjeux de la leçon inaugurale de Pierre-Michel Menger, le grand physicien Serge Haroche rappelait en 2014, dans un mélange de vécu et d'analyse tiré des travaux du sociologue, et je le cite, « Nous considérons souvent le talent, pour ne pas parler du génie, comme une notion largement inexplicable, pour ne pas dire ineffable. Mais nous ne pouvons nous retrancher complètement derrière ce caractère ineffable. » L'artiste doit faire reconnaître ses œuvres par ses pairs et pouvoir les vendre dans un marché de l'art obéissant à des règles souvent opaques, mais qu'il a intérêt à savoir déchiffrer. Le chercheur doit se soumettre à une évaluation permanente, non seulement pour justifier son salaire, mais aussi pour obtenir les crédits dont il a besoin pour sa recherche. Et ses activités, scientifiques comme artistiques, se mènent dans un monde global où les enjeux financiers du marché, des publications et de la communication deviennent de plus en plus importants dans un contexte de compétition internationale de plus en plus exacerbée. Fin de citation, voilà pour les enjeux. Pierre-Michel Menger étudie lui en profondeur ces questions complexes et passionnantes. Le sociologue passé par la philosophie et Normalsup, qui a dirigé au CNRS un groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie entre 1988 et 1995, explique, et je le cite, que son activité est devenue résolument pluridisciplinaire à la fin des années 80, quand il lui a semblé fécond de rapprocher la sociologie de l'économie, du droit et de l'histoire, pour chercher à renouveler l'analyse théorique et empirique du travail, des marchés et des modèles d'acteurs dans les sciences sociales, notamment à partir de recherches sur des activités et des systèmes d'emploi qui exacerbent les paris sur l'innovation et déclenchent des inégalités de réussite considérables. L'exploration de la notion de talent est riche, vous allez le découvrir, de cette pluridisciplinarité pour en interroger les paradoxes et justement les enjeux autour des inégalités qui se créent et de la place du mérite. et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 janvier 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger. Le talent est une notion dont la définition, le cheminement étymologique et les variations de signification ont une histoire longue que je retracerai dans ces grandes lignes dans mon deuxième cours. Je voudrais d'abord distinguer d'un côté l'usage de la notion qui s'est répandue très massivement dans les entreprises et dans les organisations depuis une quinzaine d'années, et de l'autre, l'usage beaucoup plus ancien de la notion de talent pour qualifier des performances remarquables et leurs auteurs dans des secteurs organisés de longue date pour manier l'imputation du talent et pour déployer tout un appareillage destiné à détecter, à développer, comme on dit, à rémunérer et à célébrer le talent. Je veux parler des arts, des sports, mais aussi de la recherche scientifique, de la R&D, la recherche-développement, de l'entrepreneuriat. Le veau de talent est extraordinairement associé à ces booms entrepreneuriaux auxquels on assiste aujourd'hui, mais de manière parfois assez cyclique, et qu'il faut distinguer, l'entrepreneuriat étant à distinguer de la fonction managériale. Mais ce vocabulaire circule aussi dans le monde des professions libérales qui opèrent sur des marchés de services individuels très sensibles aux différences identifiables de qualité des prestations et avec une forte individualisation des réputations. Je pense par exemple aux médecins, aux avocats et aux services qui les emploient. La technologie des classements, des rankings, et qui fait le délice de la presse et qui en fait un des marronniers, incorpore maintenant de plus en plus ces mondes. Dans nombre de ces domaines d'activité, le talent est monnaie courante, pour faire écho à l'origine étymologique du mot talent. Le talent, c'est une mesure et une monnaie, comme vous savez, en grec. J'examinerai la fois prochaine cette étymologie. Les évaluations dans les mondes dont je veux parler tout de suite, avant de parler du monde des entreprises, dans ces mondes qui s'en servent depuis longtemps, les évaluations sont fortement individualisées et la mesure analytique de la performance et de la valeur individuelle, avant et encore plus depuis l'existence et l'exploitation de ressources telles que celles qu'offrent des données massives qui alimentent ce qu'on appelle les talent analytics. C'est un rouage ordinaire de la compétition dans ces mondes, qu'il s'agisse de déterminer des cotes, des valeurs de marché, des artistes et des sportifs, ou de motiver des recrutements, des promotions ou des débauchages dans le monde académique, ou l'allocation de distinctions et de prix. Les compétitions dans lesquelles la réussite des plus talentueux est obtenue par la comparaison directe et la sélection ascendante dans des tournois constituent même l'essence des spectacles sportifs, mais aussi de l'industrie populaire de ce qu'on appelle les talent shows. Et il existe des olympiades de mathématiques, pour ne citer que quelques exemples. Les activités artistiques cumulent au plus haut point les facteurs d'individualisation des situations de travail. Ces facteurs sont le rôle attribué aux aptitudes, le faible pouvoir de spécification des facteurs de réussite des individus par des diplômes, j'y reviendrai plus tard, la forte incertitude sur la réussite, qui est corrélée avec une information imparfaite qu'ont les individus sur leurs propres aptitudes avant d'entrer dans le jeu. La forte polarisation des préférences des consommateurs ou des publics en faveur des individus qui sont jugés et réputés les plus talentueux, ce qui amplifie considérablement l'exploitation de ce que je peux appeler l'imparfaite substituabilité entre les artistes. Ces métiers ont aussi une autre caractéristique qu'il faut souligner, c'est celle d'être exercés fréquemment en indépendant ou en quasi-indépendant. Si l'exercice d'une profession dans des conditions de forte autonomie ou d'indépendance statutaire n'est pas le seul critère, le seul mécanisme à mettre en jeu sur les facteurs qui agissent directement sur les chances d'épanouissement dans le travail, il confère cependant le plus grand relief à ces facteurs et aux interactions entre aptitudes, compétences, investissement en capital humain, préférences et dispositions à l'égard du risque, puisque risque il y a, et le risque est toujours inséparable d'un gain d'autonomie dans un monde où on veut évoluer dans plus d'indépendance que de subordination. La grande variabilité des situations de travail et des facteurs de la réussite dessine des cheminements professionnels qui sont sans rapport avec le schéma habituel d'une carrière en organisation et avec la progression dans une hiérarchie d'emploi sur des marchés internes du travail. En quelque sorte, le mariage de l'individualisme et du risque d'activité a une formule organisationnelle qu'il faut noter. Les professionnels de ces mondes à la recherche du talent ne s'identifient pas d'abord à une entreprise, mais à une communauté professionnelle, moins sur la base d'une intégration de chacun dans un groupe homogène que sur celle d'une organisation en réseau des liens de travail. Comme l'a écrit le sociologue Arthur Stinchcombe, que j'aime citer pour ses travaux extraordinairement inventifs, le vocabulaire du talent, mais aussi celui du génie ou du brio ou de la créativité, est un moyen habituel d'attribuer aux individus des qualités hors du commun dans les domaines d'activité où la réussite est hautement incertaine, par exemple les arts ou la recherche. Ces termes ont pour principale fonction sémantique de marquer une différence nette avec toutes les autres qualités habituellement mesurables d'un individu. Et ils sont, ajoute Stinchcombe, apposés essentiellement a posteriori, puisqu'il s'agit de domestiquer et de catégoriser le non mesurable, ce qui ne se laisse pas prédire, mais seulement, comme on dit, rétrodire. Ce vocabulaire opère, en quelque sorte, la conversion d'une incertitude qui a été levée a posteriori, au vu de l'expérience et des résultats, en une espérance de succès. Pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Niklas Luhmann, le titre original c'était « La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale », je dirais que l'imputation de talent agit comme un mécanisme de réduction de la complexité des évaluations sociales des personnes. Le principe d'individualisation et celui de polarisation des préférences des publics sont couplés avec un principe d'asymétrie des récompenses. Les vainqueurs raflent l'essentiel de la monnaie en circulation. Nous sommes souvent sur des « winner take all » ou « take the most markets ». Et il en résulte une distribution vivement inégalitaire de la reconnaissance et des rétributions. Celles et ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de réussite, de réputation et d'estime ne sont pas pour autant précipités dans un jeu social à somme nulle, où les vainqueurs seraient immédiatement enviés par les autres participants à proportion de ce que ces derniers perdraient en n'obtenant pas le même niveau de réussite. Plus étonnant encore, l'institution de la valeur personnelle élevée au rang de réussite admirable s'appuie sur une propriété remarquable, la mise à l'épreuve du temps. En ce sens, les échelles temporelles de la célébration de la réussite vont du plus court terme, par exemple aujourd'hui les vues et les likes d'un site sur lequel a été posté un contenu, et il y a une évaluation, une quantification et des carrières qui annoncent que tel pianiste a obtenu 10 millions de likes et que donc il est prié de venir à la salle Pleyel, pas à la salle Pleyel, à la Philharmonie ou au Théâtre des Champs-Élysées, puisque le crédit est déjà certifié. Mais on va aussi jusqu'au plus long terme, l'horizon indéfini d'admiration des gloires dans les arts et dans les sciences, qui constitue la trame singulière de la transformation de la contingence de la réussite en capital patrimonialisable d'œuvres et de personnalités données en modèle. Celles et ceux qui émergent des tournois multiples de compétition sont admirés dans des sociétés qui ont aussi fait de l'égalité des chances devant la compétition un pilier de l'architecture démocratique des relations entre les principes de liberté et d'égalité. Des pionniers de la pensée socialiste au début du XIXe siècle, tels que Claude-Henri de Saint-Simon, ont ainsi placé le savant, l'artiste et aussi l'industriel entrepreneur au sommet d'une hiérarchie sociale nouvelle, selon le principe, en tout cas qu'il espérait, selon le principe que les membres des professions les plus irremplaçables, ou plus précisément les professions dans lesquelles les êtres sont le moins substituables les uns aux autres, sont une élite légitime par opposition à ces métiers et conditions qui s'arrogent la puissance alors que leurs membres sont rigoureusement substituables. Je vous laisse méditer sur la liste de ces professions. Saint-Simon cite les bureaucrates, les militaires et les prêtres. Nous avons donc affaire, avec les secteurs dont je viens de parler, à des secteurs qui sont experts en maniement de la créativité, de l'inventivité, qui sont virtuoses du couplage entre de multiples formats de mise en concurrence, y compris la transformation de la compétition en spectacle, et de multiples formats et institutions de la célébration de l'excellence, et aussi à des secteurs qui sont experts des inégalités de réussite qui engendrent plus d'admiration que de comparaison envieuse, au moins du côté des consommateurs, mais aussi experts en surexploitation de la sensibilité des publics, professionnels et profanes, aux différences de qualité estimées des individus et de leur réalisation. Est-ce que toutes ces caractéristiques sont les vecteurs idéaux de la diffusion de la notion de talent vers le monde général du travail? On ne pourrait le supposer qu'en mettant d'abord en avant l'argument selon lequel nous sommes entrés dans une économie de la connaissance, avec l'élévation du niveau de formation initiale des individus, avec ce qu'on appelle les biais technologiques qui valorisent les compétences complémentaires des machines intelligentes, avec la valorisation grandissante du capital humain qui devient plus précieux que le capital matériel, dans une ère d'innovation technologique en cascade qui ouvre la voie non plus seulement à la valorisation de l'intelligence, mais à celle de l'intelligence artificielle, avec notre quatrième révolution industrielle en vue. Et pourtant, le vocabulaire du talent s'est diffusé dans les entreprises, surtout depuis deux décennies. Lorsque ce vocabulaire s'est diffusé depuis deux décennies dans les entreprises, les déplorations sur l'impossibilité de définir le talent exactement, c'est-à-dire à des fins de transformation de la notion en variable instrumentale objectivable, ces déplorations sont devenues aussi fréquentes qu'est intense l'incorporation de la notion dans la gestion des ressources humaines des entreprises. En tout cas, la situation de perplexité à l'égard de la sémantique du talent n'est guère différente non plus ni dans la gestion des organisations publiques ou de non-profit, comme on dit ailleurs. Il y a beaucoup de publications maintenant qui appliquent le mot de talent, par exemple au renouvellement de la fonction publique. Quel plan pour les talents dans la fonction publique? Je pourrais en citer un certain nombre. Ils sont moins nombreux que les publications sur les entreprises, mais néanmoins, on en trouve qui cherchent à identifier les bonnes politiques de gestion des talents, de recrutement des talents, de rétention des talents. Et donc, ça n'est pas le monopole simplement des entreprises. C'est une tendance qui se diffuse dans beaucoup d'organisations, avec la confusion sémantique qui l'accompagne. Et cette confusion sémantique règne aussi dans les universités et dans les organisations académiques qui emploient volontiers la notion pour désigner le marché concurrentiel des emplois, l'attractivité des établissements et les politiques d'excellence. J'en ai parlé dans un cours antérieur, mais j'y reviendrai plus tard aussi d'une autre manière. La notion fait en outre partie d'une gamme de concepts, high skills, abilities, ou même parfois college graduate, qu'on nomme d'un coup talent dans une publication, ces concepts avec lesquels la notion est rendue interchangeable dans beaucoup de travaux de recherche, en économie, en gestion, en psychologie, en sciences de l'éducation notamment, souvent au motif que quelque chose qu'il s'agit de désigner comme le talent, une notion holistique, globalisante si vous voulez, ne peut être approché que par des indices ou des caractéristiques dont on sait parfaitement qu'ils sont partiels, mais on n'a pas mieux. Autrement dit, ce qu'on appelle des proxies, des variables explicitement approximatives. En somme, la notion de talent, pour faire un jeu de mots, a du talent. Elle a la plasticité d'une notion dont les capacités, vous savez qu'une des dimensions sémantiques du mot de talent, c'est capacité, pouvoir de, aptitude à, capacité de. Donc une notion dont les capacités s'actualisent dans des contextes d'utilisation de plus en plus variés et sous l'effet de changements contextuels que j'explorerai. C'est exactement, on le verra, une définition possible du talent, c'est-à-dire une capacité de réaliser une performance remarquable, ici celle de réussir à se diffuser. Alors, je vais passer maintenant en revue un certain nombre des usages de cette notion et les différents contextes et motifs de sa sollicitation abondante aujourd'hui. Je le fais non pas par un goût de l'énumération chaotique ou bien par impossibilité de mieux ordonner une matière abondante, mais tout simplement pour indexer cette notion réputée indéfinissable sur son utilisation dans des contextes extrêmement divers, des secteurs d'activité, des types d'organisation, des métiers. Et je vais essayer autant que possible d'éviter de me laisser prendre au piège de la tentative de définition substantielle unique et surplombante, tout simplement parce que je vais essayer de me diriger progressivement pendant le déroulement de ces séances vers un modèle explicatif que j'ai commencé à bâtir dans des travaux antérieurs. L'argument que je vais approfondir, c'est que le talent est un schème de caractérisation et d'évaluation. Je prends le mot schème au sens philosophique du terme et presque au sens kantien du terme. Je développerai probablement à la fin générale du cours, mais est un schème de caractérisation et d'évaluation qui désigne un différentiel, ce qui explique l'impossible définition substantielle de la notion. Il n'est pas une variable instrumentale susceptible de spécification et de mesure, comme on dit, cardinale, c'est-à-dire quantifiable absolument. Il n'est susceptible que de spécification et de mesure ordinale, par des opérations de comparaison ou de qualification des différences, s'agissant d'entités, individus, réalisations, performances, non strictement commensurables. Autrement dit, dont on ne peut pas étalonner la valeur et détailler la somme des caractéristiques à l'aune d'une métrique ou d'un standard de mesure ou d'évaluation unique, et notamment pour pouvoir la reproduire ou sélectionner celles et ceux qui sont capables de la produire. Et donc j'insisterai sans cesse sur un point, le talent n'est pas une notion énigmatique dont il s'agirait de percer enfin le mystère à grand renfort d'outils de connaissance de plus en plus puissants et variés. Il pivote sans cesse entre deux positions. Il est, comme on dit en latin, un explanans et un explanandum. Il est ce qui permet d'expliquer et il est ce qu'il faut expliquer. J'ai donc en vue le phénomène suivant, comment caractériser les différences entre les individus sans pouvoir les calibrer précisément, sans pouvoir faire la somme précise de leurs multiples caractéristiques pertinentes, dans les contextes concernés, alors que ces individus singuliers sont sans cesse rendus commensurables par des mécanismes de comparaison et de mise en concurrence. En proposant cette brève question initiale, je désigne tout de suite une tension majeure qui traverse toute l'exploration que je pratiquerai. C'est l'opposition entre ce qu'on peut appeler une vision inclusive du talent et une vision exclusive du talent. La vision inclusive part de la différenciation multifactorielle des capacités des individus. La singularité de chaque individu et de ses capacités est le produit d'un processus de différenciation inépuisable. L'actualisation des potentialités de chacun est indéfinie, mais inégalement possible selon cette conception. Le talent appliqué aux activités entreprises par chaque individu signifie, selon cette conception, que chaque individu doit pouvoir déployer aussi loin que possible tout ce dont il est capable. Il existe même, dans certaines théologies, une injonction à devoir faire de soi-même l'usage le meilleur possible en déployant tout ce dont on est capable. Et celui qui ne le fait pas est coupable. C'est notamment l'objet de certaines prescriptions de la théologie protestante. L'incommensurabilité des personnes et de leurs réalisations est axiomatique, c'est une donnée de base, et toute opération de mesure est une technologie qui réduit l'information contenue dans la différenciation en quelque sorte horizontale des individus et de leurs réalisations, et une technologie qui contraint l'expression des différences en voulant les rendre mesurables. La conception opposée, c'est la conception exclusive du talent, qui hiérarchise et qui sélectionne les qualités individuelles et en détermine le prix selon un principe de rareté. La rareté est ici la multiplication de deux éléments, la particularité des qualités qui sont recherchées pour telle ou telle activité et la distribution de ces qualités dans une population donnée. Ceux qui détiennent les qualités auxquelles est attribuée une grande valeur sont moins nombreux, et si la demande pour ces qualités et leurs détenteurs est importante, elle produira évidemment un déséquilibre qui valorise le prix de ces qualités sur la partie la plus élevée de la distribution. Par exemple, aujourd'hui, les compétences en mathématiques ont un prix beaucoup plus élevé qu'auparavant, du fait de la complémentarité visible entre un certain type de travail qualifié et les technologies les plus avancées. Dans des travaux d'importance, ce qu'on appelle la numératie a pris le pas sur la littératie. Il y a des conjonctures de cet ordre et nous sommes dans une d'entre elles. Et d'ailleurs, on voit aussi se multiplier des travaux qui cherchent à quantifier la valeur économique des mathématiques, alors que les mathématiques étaient plutôt réputées être une science souveraine et qui a le culte esthétique de l'abstraction et non pas de la pesanteur économique. Mais l'évaluation et la valorisation de ces compétences en mathématiques ne consistent pas simplement à manier les résultats de tests de QI. Il faut évidemment ajouter des qualités d'inventivité, d'imagination qui ne sont révélées que progressivement et valorisées par comparaison relative. Et donc, c'est ainsi qu'on peut passer d'une définition métrique, quel est votre QI, à une définition plus complexe qui débouche sur une cotation du talent mathématique. Dans cette conception exclusive qui est aussi la plus courante aujourd'hui, la notion de talent a donc une fonction d'identification sélective et de hiérarchisation. Parmi toutes celles et tous ceux qui exercent une activité, qu'il s'agisse d'apprentissage en milieu scolaire, primaire, secondaire ou supérieur, ou qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle ou extra-professionnelle, certains se révèlent meilleur au fil d'épreuves d'évaluation, de comparaisons et d'investissements sélectifs de la part des équipes ou des organisations qui cherchent à détecter les talents dotés du plus fort potentiel, comme on dit. Et cette conception exclusive du talent est aussi indexée sur une hiérarchie des activités et une hiérarchie de leur contribution relative à la production de richesses ou de valeurs matérielles ou immatérielles. Je montrerai plus tard en détail que chacune des conceptions que je viens d'opposer peut être graduée. Il existe une forme super inclusive du recours à la qualification de talent et il existe à l'autre extrémité de l'axe de variation des conceptions une forme super exclusive. Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Menger, introduction générale de sa série « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Dans la doctrine inclusive, ce sont les conditions externes qui agissent pour transformer les différences en hiérarchie. Ces conditions externes sont nécessaires au développement des qualités dont sont porteurs les individus, autrement dit, ce qu'on porte en soi, on ne l'exprime qu'en l'extériorisant, et quand on l'extériorise, on entre dans des environnements qui ont des potentiels facilitateurs et aussi des capacités de contrarier l'expression de ce potentiel, selon cette conception inclusive. Donc, les conditions externes sont nécessaires au développement des qualités, mais elles varient du tout au tout, ces conditions externes, selon le degré auquel elles peuvent favoriser ou contrarier le processus de développement. Je choisis ici pour l'instant la formulation la plus générale et la plus banale et la plus englobante en parlant de conditions externes. Mais ces conditions sont principalement de deux ordres. D'une part, la dotation initiale des individus en ressources, procurée par leur origine et par leur milieu social. Et cette dotation est inégalement distribuée dans la société. Or, sous les conditions les plus habituellement observées, l'avantage procuré à ceux qui sont mieux dotés devient très tôt et très vite cumulatif. C'est d'ailleurs l'une des significations de la parabole des talents, sur laquelle je reviendrai la fois prochaine. Les leviers de cette accumulation responsable de divergences croissantes entre des individus sont l'éducation, bien sûr, dans sa triple composante, éducation scolaire, éducation familiale, celle sur laquelle aujourd'hui on insiste davantage, presque à la manière de management du talent des enfants. Il existe une parentologie qui pratique le management des ressources humaines en devenir très tôt, c'est un sujet assez fascinant. Donc, les investissements familiaux, l'éducation scolaire et l'éducation dans le milieu des pairs, mais aussi les investissements culturels au sens plus large, formation et expression de la personnalité, ou au sens étroit, consommation de biens culturels et symboliques. mais aussi l'ensemble des investissements qui sont responsables de la construction des personnes. Je veux parler de l'acquisition non seulement des « cognitive skills », mais aussi des « non-cognitive skills » et des ce qu'on appelle les « soft skills ». Il y a maintenant des recherches extraordinairement nombreuses et très originales sur la variété des « skills », des compétences de l'individu sur lesquelles on peut agir par de bons leviers en connaissant mieux les interactions et la plasticité de chacune de ces compétences pour contrarier un mécanisme davantage cumulatif fondé sur des dotations initiales beaucoup trop différentes et inégales. C'est un des thèmes sur lequel je reviendrai plus tard. Et donc le problème devient progressivement de déterminer ce qui est sous le contrôle de l'individu dans la construction de ses capacités et ce qui est hors de son contrôle. C'est l'un des grands thèmes de l'analyse des arguments méritocratiques en sociologie et en philosophie politique consacrée à la justice sociale. La conception inclusive du talent doit néanmoins supporter la mise à l'épreuve empirique. Alors on peut songer à des expérimentations, et par exemple des expérimentations contrefactuelles graduables. Un argument possible est que dans une société bien organisée, il doit exister un optimum dans l'appariement entre les qualités des individus et les caractéristiques des métiers et des emplois qui permettent aux individus d'exprimer au mieux leurs qualités intrinsèques. Ceci suppose, un, que le déploiement des métiers soit bien assorti à la variété des caractéristiques individuelles, et deuxièmement, que la distorsion dans la distribution des salaires, mais aussi des estimes sociales selon les métiers, n'est pas telle qu'elle déforme a priori les préférences et les choix et ne crée pas des inégalités intolérables et propulsives, je veux dire génératrices d'écarts incompressibles qui suscitent l'immobilité et la reproduction intergénérationnelle des écarts de position. Vous pouvez penser par exemple à la différence culturelle entre l'apprentissage en Allemagne et en France pour des métiers manuels ou des métiers techniques. Les statistiques françaises de Pôle emploi et d'autres organismes font régulièrement monter des données sur le manque d'investissement dans certains types de métiers qui sont liés à une valorisation excessive de la formation abstraite ou général, alors que par différence, on fait valoir le processus de socialisation des individus en Allemagne qui est très différent et qui repose aussi sur une conception peut-être plus inclusive, en quelque sorte, des talents. Enfin, troisième condition, le marché du travail doit offrir des opportunités suffisantes de mobilité et des moyens suffisants pour gérer les risques associés à la mobilité entre des emplois et des métiers, de sorte que ce processus d'appariement entre des types d'activités et des qualités individuelles puisse se dérouler de manière tâtonnante et permettre aux individus d'incorporer progressivement les informations sur les qualités et les préférences qui sont les leurs, peut-être dont ils n'ont une idée que très incomplète, en s'engageant sur le marché du travail. Il existe une version plus radicale de cette conception inclusive qui est aussi une critique radicale de la conception opposée et dominante, c'est-à-dire la version exclusive. Cette version radicalement inclusive postule que la division du travail doit tout simplement être abolie parce qu'elle contrarie le développement des capacités multiples dont sont porteurs les individus. Cette conception radicale suppose aussi que le revenu ne soit plus alloué selon l'effort et le mérite, mais selon le besoin déclaré par chacun, autrement dit qu'on découple entièrement revenu et effort. C'est la formule marxienne de la révolution post-socialiste, mais on peut trouver des variantes de cette idée dans un certain nombre de doctrines, y compris dans certaines formulations du revenu universel de base, ou aussi dans une célébration d'une organisation communautaire et solidaire des activités et des échanges, qui en quelque sorte libérerait la possibilité d'une pleine expression, d'une expression beaucoup plus développée des potentialités de chacun. Alors maintenant, regardons un instant la conception exclusive et ses postulats. Selon cette conception, il existe une différenciation nécessaire des métiers et des emplois et une valorisation différentielle des qualités individuelles selon les activités. Nous avons donc une double différenciation verticale sur le versant des activités et sur le versant des performances individuelles. Dans la version modérée de cette conception exclusive, il s'agit de valoriser les meilleurs dans chaque activité parce que les individus sont différemment talentueux, mais il existe aussi une forme radicale d'exclusivité. Plus on s'élève dans la hiérarchie des métiers, plus les activités sont complexes et sollicitent un plus grand nombre de caractéristiques, précisément. Ce plus grand nombre de caractéristiques forme un composé qui est appelé talent. Ce n'est pas tant la distribution de chacune de ces caractéristiques qui crée des écarts, parce que cette distribution de chacune des caractéristiques peut être tout à fait normale ou gaussienne, comme on dit, c'est une courbe où l'essentiel des individus sont regroupés au centre. Mais c'est l'interaction multiplicative des facteurs qui agit dans ces activités complexes. J'ai développé cette idée sur un exemple précis l'année dernière en parlant des activités de recherche scientifique. Mais j'y reviendrai. Ces indications que je viens de donner pointent vers l'une des significations du talent, de la notion de talent, qui est la capacité à produire durablement une qualité de travail ou d'activité aussi élevée que possible dans le secteur considéré. On voit bien que, en employant le mot « capacité », je désigne aussi des comportements, des dispositions et en quelque sorte des métacompétences. On trouve alors dans la littérature, notamment la littérature managériale, le type suivant de définition inclusive de l'individu renommé talent dans une organisation. C'est un travailleur compétent, apte à développer ses compétences, adhérant aux valeurs de l'organisation pour être productif, sensible aux incitations et soucieux d'engagement. On peut ajouter, pourvu qu'il soit en mesure de donner du sens à son travail. Mais cette requalification des compétences en talent est en fait habituellement beaucoup plus sélective. Elle concerne des travailleurs très qualifiés ou plus sélectivement encore ce qui s'appelle une minorité de high performers ou de high achievers dans les différents métiers et emplois de l'organisation, selon un principe de quantification strictement ordinal. Beaucoup de publications qui ont été produites dans le sillage de l'émergence du thème du talent ont tout simplement découpé les personnels en trois couches dans les entreprises. 10% de personnel talentueux, c'est-à-dire de performeurs remarquables, 70 ou 80% de personnel compétent, solide, et 10% de personnel qui ne doit pas rester, qui est remplaçable. On a appelé ça la technologie du forced ranking, c'est-à-dire du classement forcé. On applique a priori une définition de la qualité qui est fondée sur ces proportions. Ça ne vient pas d'une mesure, ça vient d'une hypothèse ou d'une consigne. Alors, l'usage du vocabulaire du talent dans un espace hiérarchisé d'emplois qui sont fonctionnellement associés à des niveaux différents de compétences et d'autorité hiérarchique peut-il prétendre être inclusif? La conception inclusive est vite soupçonnée de passer pour une pure rhétorique. Autrement dit, pour nommer le personnel, le talent est un désignateur valorisant et incitatif, destiné à singulariser chacun et à adresser à chacun une double injonction. Si, moyennant des dispositifs efficaces de management et d'incitation, vous découvrez de quelles capacités vous êtes détentrice ou détenteur, alors vous donnerez à la fois du sens à votre travail et vous servirez mieux votre carrière et votre organisation. On voit bien apparaître un problème aussi qui est très évident et qui est très massif dans l'emploi du vocabulaire du talent. En augmentant le gradient d'individualisation qui est contenu dans l'imputation de talent, on diminue d'autant la complexité de l'analyse de la performance individuelle en tant qu'elle est immergée dans un écheveau de collaboration et d'interaction horizontale et verticale. D'où le contre-argument qui est l'appel à la dimension collective de l'organisation. Et c'est aussi un argument qu'on trouve dans beaucoup de publications, notamment américaines, qui ont essayé de « debunk », comme on dit, c'est-à-dire de détruire le mythe du talent. Il y a deux littératures remarquablement florissantes aux États-Unis, celle qui célèbre le talent et le génie et qui dit « vous avez tous le moyen de devenir et talentueux et peut-être géniaux » et celle qui le critique et le désingue intégralement. Et donc, ça fait un cycle de publications avec succès alterné. Mais c'est aussi ancré dans une culture, qui est une culture individualiste, une culture où l'individu est prié de se prendre en charge et éventuellement en prenant appui sur la communauté, mais pas beaucoup plus que la communauté. Le rôle de l'État aux États-Unis est beaucoup plus faible et la socialisation des moyens de correction des écarts de réussite et des inégalités est évidemment infiniment moins grand qu'en Europe. À ce stade, je voudrais noter que ce sont les sociétés de conseil qui ont été à l'origine du pivotement de la gestion des ressources humaines vers ce qu'on appelle le talent management. J'y reviendrai plus tard. Et pourtant, le levier de cette conversion, le recours à cette notion de talent, posait un problème simple et sérieux que j'ai déjà évoqué. Personne ne sait au juste définir le talent. Et donc, cette perplexité est déclarée dans un nombre incalculable de publications, soit à la manière d'un problème impossible à contourner et qui déclenche une variété de réponses partielles, sans solution intégratrice, soit à la manière d'un aveu liminaire rapide avant que se déploie l'argumentation habituelle sur la gestion des hauts potentiels, des cadres dirigeants et de la formation au leadership. Et il y a effectivement de quoi être perplexe. Réhabiller des pratiques de management du personnel des entreprises et des organisations à partir d'une notion dont personne ne peut produire une définition stabilisée et partagée a tout de même de quoi étonner. Donc, les sociétés de conseil et les directions de ressources humaines ou de talent management dans les entreprises se préoccupent sans cesse non plus de définir « what is talent ?», question qui conduit à l'impasse, mais plus pragmatiquement de déterminer et de recommander « how to manage talented people, how to track them, how to identify them, how to select and recruit them, how to keep them, how to reward them. » Comment manager les gens talentueux, comment les suivre, comment les identifier, comment les sélectionner, comment les recruter, comment les garder et comment les rémunérer. J'en viens maintenant à une série d'indications sur les usages, les fonctions et les contextes de la diffusion de la notion de talent. Je crois que d'abord le talent est l'un des vocabulaires de la légitimation d'inégalités de rémunération et de diversification de modalités de rémunération quand ces écarts atteignent des niveaux très élevés. Dans la hiérarchie traditionnelle des qualifications et des fonctions assorties à des qualifications, la hiérarchie des salaires, la fameuse grille, était continue et faiblement individualisatrice. Les pratiques d'évaluation individualisée à partir de comparaisons fondées sur l'appréciation d'un ensemble de compétences, de capacités et de performances réalisées et attendues s'écartent maintenant, et depuis un certain temps, de cette relation bijective entre l'échelle des qualifications et l'échelle des positions. On passe à une conception multiplicative des dimensions d'individualisation. La notion de talent s'applique alors directement à cette catégorie de personnel, notamment les cadres, dont le niveau de rémunération résulte d'une composition complexe de facteurs responsables des performances. Et je les cite ici, on peut dire que c'est une équation qui dit en quelque sorte attribut individuel générateur de la performance multiplié par les caractéristiques de la position plus ou moins stratégique dans l'organisation multiplié par la valeur de l'individu sur un marché concurrentiel des talents. Le problème a été posé en fait depuis longtemps dans les arts et dans les industries de divertissement, celles qu'on appelle maintenant industries créatives, et aussi, mais un peu plus récemment, dans les sports, à mesure qu'ils se sont professionnalisé, mondialisé et médiatisé. Et le problème se pose maintenant dans les organisations. Dans les arts, les écarts de réussite et d'allocation d'estime, d'admiration et de visibilité sont énormes. Et ils peuvent être, comme je l'ai dit, super durables. Longévité de carrière, culte posthume, panthéonisation et muséification. La question est alors de savoir pourquoi la distribution des revenus monétaires et non monétaires, l'estime est par exemple un élément de revenu non monétaire, pourquoi cette distribution est considérablement plus déformée et plus asymétrique que la distribution sous-jacente des qualités des individus qui sont à l'origine de ces réussites. Autrement dit, ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus ou de flux de revenus produits, à certains égards, un grand artiste, comme on l'appelle, vivant ou décédé, est le cœur d'une chaîne de valeur considérable. Il peut faire vivre des milliers de gens, littéralement. Donc, ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus, ne peuvent en aucun cas dépasser les autres d'autant en termes de compétences, d'inventivité, de créativité, bref, de talent. Il y a une disproportion. Ceci a fait l'objet d'un fameux modèle d'analyse qui connaît un regain de succès spectaculaire aujourd'hui. Le texte de Sherwin Rosen qui s'appelle « The Economics of Superstars » qui est paru en 1982, il pressentait le poids gigantesque de ce qu'on appelle des technologies de consommation jointe, autrement dit des technologies qui permettent à quelqu'un de servir un marché mondial à un coût de duplication nul. Quand vous mettez un contenu sur Internet, il est dupliqué instantanément à un coût nul et donc c'est une autre économie, mais ça engendre des profits aussi d'une autre magnitude. Alors, ce problème-là de dissymétrie et de disproportion, il a, je le signale ici d'un mot, il a deux versants. L'un est classique. Pourquoi est-ce que les salaires, n'importe où, dans une organisation, sont en général distribués plus asymétriquement que les compétences et les qualités des salariés. Ça s'applique partout. L'autre versant du problème, il est suscité par la magnitude des écarts exceptionnels de revenus. Pourquoi est-ce que ces écarts de salaire et de revenus, le salaire n'est qu'une composante des revenus dans les mondes où ils atteignent des altitudes stratosphériques, pourquoi est-ce que les écarts de salaire sont si élevés dans un certain nombre d'activités et pourquoi se sont-ils amplifiés autant dans les entreprises où la chasse au talent, dans la partie supérieure des emplois, c'est-à-dire ce qu'on appelle la C-suite, l'étage où on trouve les CEO, les Chief Executive Officers, les Chief Operating Officers, les Chief Financial Officers, etc. etc. Pourquoi est-ce que ces écarts se sont amplifiés autant ? Cette question est en quelque sorte aussi le thème quotidien de la gestion des talents et de la bulle salariale dans les entreprises de la Silicon Valley. Et ça constitue d'ailleurs l'un des marronniers de la presse économique qui suit ces entreprises. La question pose plus généralement un problème simple face aux extrêmes inégalités de rémunération dans certains secteurs, de combien un individu dit talentueux est-il réellement plus productif qu'un individu représentatif de la distribution gaussienne des compétences. Cette question trouve une partie de sa réponse dans l'observation suivante. Le talent management est au cœur d'un changement d'échelle et d'emprise. Je vous demande de retenir ce mot d'emprise, d'imprint, d'emprise, de certaines catégories de secteurs, la finance, la high-tech, mais aussi les industries créatives, mais aussi la recherche et la R&D, dont l'ère de développement et de profitabilité est mondiale et dont le marché, en bénéficiant de ces fameuses technologies de consommation jointe dont j'ai parlé, autrement dit, un produit numérique ou un logiciel dispose d'un marché mondial à coût de diffusion quasi nul, dont le marché donc crée des écarts sans précédent entre la valeur de l'entreprise, par exemple sa capitalisation boursière, et le nombre de ses salariés. Qu'est-ce que ça donne ensuite ? Ça donne ceci, qui est le talent traffic, c'est-à-dire... Je sors ça d'un graphique de la société Top Prospect de 2012, qui était une société qui se présentait comme « a social recruiting site that gives referral bonuses to people who recommend prospective employees for companies », c'est-à-dire qui donne des bonus à des gens qui recommandent des employés potentiellement recrutables par des entreprises. Autrement dit, chacun peut devenir un broker, un agent, un intermédiaire pour favoriser le débauchage et donner la bonne information qui permettra à telle société de débaucher. Et donc, cette entreprise s'est créée sur cette base-là. Elle n'existe plus depuis. Elle a été liquidée. Donc ça, c'est le turnover et le turmoil dans le monde de la Silicon Valley. Et donc, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique des flèches avec des proportions. C'est le rapport entre ceux qui partent et ceux qui restent chez Yahoo et ceux qui partent. Donc, on a des flèches qui montrent vers où vont les individus et comment ils s'échangent des personnels. Alors, il y a des sociétés qui sont visiblement des plateformes qui se vident. Yahoo, il y a des mouvements nets vers d'autres, mais peu de mouvements vers elles, etc. Et voilà, c'est ça l'univers simplement décrit comme ça. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est un élément d'information assez illustratif. La mesure doit exister ailleurs, mais je ne l'ai pas sous la main. Le mot intéressant pour comprendre ces mécanismes, c'est « scalability », c'est-à-dire des changements d'échelle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 20 janvier 2017 le cours de Pierre-Michel Menger, introduction générale de la série « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Menger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Et la même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration générale des enjeux et des paradoxes de la notion de talent en compagnie de Pierre-Michel Menger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.